Faites un pas dans le monde de la recherche avec la revue Carnet de Science. Dans ce 7e numéro, climat, biodiversité, pollution, la science peut-elle réparer le monde ? Promenez-vous également au paradis des botanistes à 2000 mètres d'altitude. Sondez l'espace à la recherche d'autres intelligences. Découvrez les promesses de l'immunothérapie. Projetez-vous dans le futur avec les ordinateurs quantiques. Retracez l'histoire d'une cité antique inédite. Reportages, photos, carnets de mission. À découvrir dans Carnet de Science, la revue du CNRS. Tous les 6 mois en relais et librairie. Vous savez Dreyfus ? Oui, Dreyfus, Dreyfus le traître, qui a été condamné pour trahison, qui est à l'île du diable. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Bon, eh ben, il est innocent. Oh, c'est pas possible. Je ne sais pas tromper comme ça, quand même. L'affaire Dreyfus 1898, l'Assemblée s'enflamme. Il y a quelque chose que nous avons le droit de vous demander à vous tous, conservateurs de droite et du centre, qui vous dites républicains. Nous avons le droit de vous demander de ne pas renier le principe même de la République, qui est la subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil. Janvier 1898, au Palais Bourbon, après la publication de J'accuse. Il faut toujours en République revenir à l'affaire Dreyfus, elle est éternelle, elle vit en nous. Ainsi parlait Charles Péguy. En janvier 1898, alors qu'elle entre dans son second volet, sa fécondité n'apparaît pas encore. Elle est comme électrisée par les jeux politiques du moment. Rappelons les faits. L'ex-capitaine Dreyfus, condamné en décembre 1894 par un conseil de guerre pour trahison au profit de l'Allemagne, est enfermé depuis près de 3 ans à l'île du Diable. Le commandant Esterhazy, dont quelques-uns sont déjà persuadés qu'il est le véritable coupable, vient, lui, d'être acquitté par un autre conseil de guerre. Dreyfus ne peut revenir innocent, ce serait reconnaître que l'état-major est responsable. La Troisième République, qui s'est peu à peu donné la force de gouverner, n'a pas encore vraiment réglé son rapport avec le pouvoir militaire. À la caserne, celui-ci impose aux citoyens un comportement infantilisant. Son état-major tient de la jésuitière. Sa justice propre agit en dehors du droit commun. C'est en tout cas ce que commence à penser le député d'extrême gauche Jean Jaurès, qui sera interprété par Benjamin Laverne. Mais le gouvernement républicain, alors dirigé par Jules Méline, Alain Langlais, qui a la réputation, Alain, d'être un peu une souche, et par le général Billot, qui passe pour un aboyeur, pardon à vous, Gilles David, le gouvernement républicain continue de défendre mordicus les décisions des conseils de guerre. La chose est jugée, il n'y a pas à y revenir. Quelques hommes politiques sont sur une position intermédiaire. Godefroy Cavaignac, par exemple, Jérôme Pouly ce soir, même s'il reste convaincu de la culpabilité de Dreyfus, il s'inquiète du secret qui continue d'entourer les pièces à conviction. C'est alors qu'interviennent, dans des sens qui vont être divers, ceux qu'on va appeler les intellectuels. La justice, disent-ils, est un bien commun, au nom duquel chaque citoyen peut demander des explications et intervenir sur la place publique. Le surlendemain de l'acquittement d'Esterhazy, Zola le fait en rédigeant une lettre ouverte au président de la République, Félix Faure, que l'Aurore, le quotidien de Clémenceau, publie sous le titre « J'accuse ». Aussitôt, les interpellations surgissent à la Chambre, qui est présidée par Henri Brisson. France Inter, la marche de l'histoire au Vieux Colombier avec la Comédie Française, Jean Lebrun. La parole est à Monsieur Albert Demain, député du Morbihan. Messieurs, il me paraît impossible que l'article qui a été publié ce matin et qui constitue un outrage sanglant adressé aux généraux et aux officiers membres des deux conseils de guerre ne reçoive pas ici, à la tribune, devant les représentants du pays, en face du pays qui nous regarde et nous écoute, la réponse qu'il mérite de Monsieur le ministre de la Guerre. Très bien. On accuse ces hommes d'honneur d'avoir sciemment caché la preuve de l'innocence d'un condamné. Ces accusations sont répandues de toutes parts. Hors de cette enceinte, on les lit partout. Dans les rues, dans les places publiques. Et à l'étranger. Oui, oui. Je demande à monsieur le ministre de la guerre de venir repousser, au nom de l'armée, les attaques dirigées contre lui, contre les généraux et contre les officiers. La parole est donc à monsieur le ministre de la guerre, le général Billot. Vous remercie, monsieur le président. Messieurs, à la suite de chaque interpellation, les injures et les outrages semblent renaître plus ardents, plus hostiles, cherchant à mêler les choses sacrées, l'armée, la patrie, la justice, à de misérables compétitions politiques. L'armée silencieuse, respectueuse des lois et du pays, travaille pour se tenir à la hauteur de toutes les missions que la France peut attendre d'elle. Mais permettez-moi de vous le dire, il n'en est pas moins douloureux, en présence de l'Europe qui nous regarde, de voir la honte, les diffamations, les insinuations perfides jetées sur les chefs qui, au jour du danger, seraient appelés à la conduire à l'ennemi pour défendre l'honneur national. Sur les chefs dont on aurait ainsi de gaieté de cœur affaibli le prestige et l'autorité nécessaires pour la victoire. C'est une campagne antipatriotique. Au nom de l'armée, je flétris cette abominable campagne. La parole est à monsieur Jean Jaurès, député du Tarn. Quant à moi, je ne peux pas admettre, et il est impossible à tous les républicains d'admettre, que c'est dans la presse, même dans ses excès, même dans ses égarements, qu'il faille chercher le principe de l'agitation, du trouble des consciences dont nous pouvons nous plaindre comme vous. Non ! Non ! Et d'autres causes réelles de ce péril et de ce malaise sont à signaler. Les fautes de l'oligarchie militaire elle-même ! Est-ce que cela n'a pas toujours été la tradition de la République, qu'une de ses difficultés essentielles était précisément de concilier avec la loi générale d'une démocratie libre le fonctionnement d'une vaste armée ayant son code spécial, sa discipline spéciale, sa juridiction spéciale ? Je dis que cette difficulté chronique fondamentale des régimes républicains devient un péril aigu lorsque lorsque le pouvoir civil, affaibli par les luttes des factions, cesse de faire sentir à la haute armée la discipline supérieure de la République et de la nation. Eh bien, messieurs, je vous remercie. Eh bien, messieurs, vous ne parviendrez pas, quoi que vous fassiez, à plonger dans l'ombre les responsabilités encourues par le haut pouvoir militaire et par son chef, monsieur le ministre de la guerre. La vérité, qu'aucun murmure et aucune protestation ne supprimeront, c'est que, à l'heure actuelle, il paraît plus facile à monsieur le ministre de la guerre de réprimer la presse qui dénonce les abus militaires que de réprimer les abus militaires eux-mêmes. Eh bien, nous ne nous prêterons pas à cette abdication. Vous nous avez combattus. Vous vous êtes souvent groupés contre nous. Continuez. Mais il y a du moins quelque chose que nous avons le droit de vous demander à vous tous, conservateurs de droite et du centre, qui vous dites républicains. Nous avons le droit de vous demander de ne pas renier le principe même de la République, qui est la subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil. Vous, Vous voulez, pour sortir de l'impasse où vous êtes acculé, tenter une diversion contre la presse et les journalistes ? Je vous dis, moi, tout simplement ceci. Vous êtes en train de livrer la République aux généraux ! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Messieurs, je tiens à déclarer devant la Chambre, comme je le déclare devant le pays, que jamais les grands chefs militaires n'ont été plus respectueux de la loi, plus soumis à la discipline, plus fidèles à la patrie. Je tiens à leur dire, en leur nom à tous, que jamais une tentative pour se soustraire à l'autorité respectée du chef de l'armée et de la République ne s'est produite, ni dans leurs pensées, ni dans leurs paroles, ni dans leurs actes. Il faut laisser l'armée à son œuvre sainte et sacrée, la préparation de la défense du drapeau dans toutes les éventualités qui peuvent se produire. Vous avez tout caché! Vous avez tout caché à la nation et à la République! La parole est à Monsieur Godefroy Cavaignac, député de la Sarthe. Il faut que Monsieur Jaurès le sache. Il y a sur les bancs des Républicains les plus progressistes des hommes qui sont résolus à ne pas laisser sans protester parler de l'armée comme il l'a fait à la tribune. Mais ceci dit, j'ai à me retourner vers le gouvernement, et à l'heure est peut-être venue pour nous qui sommes restés silencieux jusqu'ici, de demander qui est responsable de la persistance de l'agitation qui secoue la France. C'est en laissant les questions en suspens, c'est en paraissant hésiter qu'on propage l'agitation dans le pays. Sans doute, il est impossible de détacher du secret où s'est déroulé le procès pour les dévoiler une partie des pièces ou des preuves qui ont contribué à fermer l'opinion des juges. Mais ne voyez-vous pas que tandis que vous vous taisez, d'autres s'efforcent de compléter au dehors l'œuvre que vous commencez? Vous faites quelque chose de grave en vous couvrant ici pour sortir d'un embarras momentané. Il y a quelque chose qui me préoccupe plus encore que la non-publication des documents. C'est le fait même de votre résistance. C'est cet esprit de résistance, Monsieur le Président du Conseil, que nous retrouvons dans toute votre attitude depuis le début de cette affaire. Qu'y a-t-il donc? Qu'est-ce donc qui vous enchaîne? C'est cela qui m'inquiète. Je dis que lorsque j'aperçois le pays profondément ébranlé, cherchant douloureusement à savoir lequel de ces deux crimes l'on commet, ou de maintenir au bagne un innocent, ou de bouleverser ce pays pour sauver un coupable, quand je vois ce pays agité de toutes parts par des passions, les unes étroites et violentes, les autres généreuses et élevées, je dis qu'il est surprenant de constater que ce soit vous, gouvernement, qui apportiez ici les attitudes embarrassées, oui, les réticences, oui, et les demandes d'ajournement. Bravo. Voilà ce qui m'inquiète. Et alors, je me retourne vers tous ceux qui m'écoutent ici et je leur demande, quelle garantie avez-vous que le ministère ne détient pas les paroles décisives et qu'une cause inexplicable ne l'empêche pas de parler? C'est là-dessus qu'il faut se prononcer. Bravo. La parole est à Monsieur Jules Méline, président du Conseil. Dès le premier jour, nous avons déclaré que cette affaire était d'ordre judiciaire et que les pouvoirs publics, en s'en emparant, en la livrant à la discussion parlementaire, opéreraient une véritable confusion de pouvoirs. Nous l'avons toujours proclamé et nous le répétons une fois de plus. Le jugement se suffit à lui-même. Il est la vérité légale. Personne n'a le droit de le discuter. Tout le monde doit s'incliner devant la décision des juges militaires. On parle sans cesse du secret de cette affaire. On attaque le huis clos. On voit dans ce secret du huis clos une manœuvre calculée pour cacher la vérité. On oublie que le huis clos tient à la nature même de l'affaire. Et que dans tous les pays civilisés, les affaires d'espionnage sont traitées de cette façon. La raison en est très simple. C'est parce qu'il n'est pas nécessaire de faire connaître à nos adversaires les secrets de notre police militaire. À mon avis, dès que la justice a été saisie, ce jour-là, le silence ne fait se faire. Au lieu de cela, messieurs, l'instruction a été menée dans la presse, parallèlement à celle des juges militaires, et on a commencé à attaquer les chefs de l'armée. Il s'est trouvé que le jugement, qui aurait dû s'imposer à tout le monde, a été le point de départ d'une campagne plus violente que toutes les autres. C'est au lendemain de ce jugement qu'apparut cette lettre audacieuse, où un écrivain d'un grand talent s'est servi de sa plume pour dénoncer au mépris public les chefs de l'armée. Mais oui, Zola a été... Fauchant tout sur son passage avec une superbe inconscience et sans se rendre compte du mal qu'il faisait à son pays. Il n'a pas été le seul. Je n'hésite pas à le dire du haut de cette tribune. Les journalistes, les écrivains qui ont fait cela ont pris devant leur conscience et devant le pays une lourde responsabilité. Ils ont le droit. Libre à eux de croire à l'innocence de Dreyfus. Mais il y a des moyens que l'on n'a pas le droit d'employer pour faire triompher une cause. On n'a pas le droit de vouer au mépris les chefs de l'armée. On n'a pas le droit de froisser le sentiment national dans ce qu'il a de plus respectable, au risque de déchaîner des troubles. Je dis que ceux qui sèment ainsi le vent récoltent la tempête. Et c'est ainsi que dans ce pays de France, si doux, si hospitalier, si peu fanatique, nous voyons depuis quelques jours renaître des passions furieuses qu'on croyait éteintes depuis des siècles. Dans une pareille situation, nous avons fait notre devoir, tout notre devoir. En laissant crier mort aux Juifs dans les rues! On veut peser sur l'opinion publique. On veut, par une pression extérieure, par un scandale répété, arracher la révision en dehors des conditions prescrites par la loi. Eh bien, on peut faire ce scandale. Il retombera de tout son poids sur la tête de ceux qui le commettront. Si nous ne pouvons pas empêcher ce scandale, il y a une chose que nous empêcherons. C'est que le désordre se continue dans la rue, d'où qu'il vienne. C'est vous qui suscitez le désordre ! Mais c'est précisément parce que dans ce pays, la discussion est libre et qu'elle peut aller jusqu'à la licence, qu'il est nécessaire qu'elle ait comme contrepoids l'ordre matériel. Je ne comprends pas que vous ne vous en rendiez pas compte de votre côté. Mais c'est à vous qu'il faut dire cela ! Et je dis, moi, vos articles de journaux à la main, que vous faites en ce moment l'appel le plus audacieux à la révolution dans la rue. Je préviens l'honorable Monsieur Jaurès en particulier que la décomposition bourgeoise n'est pas encore assez avancée, quoi qu'il en dise, pour qu'il dépende de 20 000 hommes de proclamer et surtout de réaliser la révolution sociale. Quant aux appels à l'indiscipline... Au républicanisme des soldats... À la révolte des soldats contre leur chef, de telles attaques ne peuvent que causer une grande satisfaction à tous les ennemis de la France. Ils se demanderont si c'est par de pareils moyens qu'on veut préparer de nouvelles éditions de la débâcle de 1870. Messieurs, j'en ai fini. Je n'hésite pas à le dire. Quand un gouvernement se trouve aux prises avec de pareils dangers, il serait du devoir de vous tous, si on ne mêlait pas à ces questions l'esprit de parti, de serrer les rangs autour de lui. Nous resterons comme des soldats, à notre poste. Mais nous avons besoin, pour cela, que le pays sache bien que vous, députés, êtes derrière nous et que nous avons votre confiance. Vous avez beau ici, vous et vos amis, parler toujours de l'honneur de l'armée et du salut de la patrie comme votre premier et votre seul souci. Oui. Respectons l'armée et nous l'aimons. Il y a quoi que vous disiez, un souci supérieur encore pour vous, c'est de sauver un gouvernement de réaction et de privilèges. Et si vous n'avez pas de meilleure raison. Et maintenant, je m'étonne d'avoir à rappeler à monsieur le président du conseil que ceux qui préparent dans ce pays la débâcle, ce ne sont pas ceux qui signalent à temps les fautes. Bravo ! La débâcle, elle était dans les généraux de cour protégés par l'Empire, comme elle est dans les généraux de jésuitières protégés par la République. Monsieur Jaurès, je vous prie de surveiller votre langage. Votre talent n'a pas besoin d'expressions aussi violentes. Oh, et moi, monsieur le président, tout en déférant avec respect à vos paroles, j'ai le droit de demander aussi à mes ennemis, à nos ennemis dans cette assemblée... Il n'y a pas ici d'ennemis. Le mot d'ennemi ne doit pas être prononcé ici. Dites, monsieur Jaurès, vos adversaires. Oh, vraiment, c'est assez des habiletés. C'est assez et trop des équivoques. Savez-vous ce dont nous souffrons à l'heure présente ? Savez-vous ce dont nous mourons tous ? Je le dis, sous la responsabilité de ma conscience personnelle, nous mourons tous depuis que cette affaire est ouverte. Des demi-mesures, des réticences, des équivoques, des mensonges, des lâchetés. Il y a d'abord mensonge et lâcheté dans les poursuites dirigées contre Zola. Monsieur le Président, alors, Monsieur le Président. Monsieur Jaurès, pour cette parole, je vous rappelle formellement à l'ordre. Il vous était possible, et nous vous le demandions, de ne pas exercer de poursuite, parce que le huis clos, tout au moins, a besoin de ce correctif nécessaire de la liberté, de la critique au dehors. Mais enfin, puisque vous vous décidiez à poursuivre, de quel droit, en vertu de quel principe, avez-vous fait... Vous êtes du syndicat Dreyfus. Que dites-vous, monsieur... Non, mais je dis que vous êtes du syndicat Dreyfus. Que vous êtes même l'avocat du syndicat Dreyfus. Oh, monsieur Berlis, vous êtes un misérable. Vous êtes un misérable. Monsieur Jaurès. Voici le récit que le député Joseph Reynac a fait plus tard de la fin de cette séance de janvier 1898. Jaurès... ne parlait plus. Il tenait le visage empourpré, le bras tendu vers les ministres qui protestaient, vers la droite qui beuglait. Mais plus les clameurs devenaient furieuses, plus haut s'élevait sa voix comme un grand cri d'oiseau de mer dans la tempête. Il y avait sur les bancs de l'extrême droite royaliste, un certain comte de Bernis, député du Gard, qui avait la spécialité des interruptions grossières, qu'il poussait d'une voix rauque et qu'il accompagnait d'un espèce de rire nerveux. Il profita d'un instant de silence relatif pour crier à Jaurès : Vous êtes du syndicat ! Je ne vous permets pas, monsieur ! Bernis, pour lancer son injure, s'était placé dans l'hémicycle, au pied de la tribune. D'un mouvement soudain, comme un flot, 20 socialistes furent sur lui, des hauteurs de l'extrême gauche, pendant que les députés royalistes accouraient à la rescousse. Des sénateurs venus pour assister à la séance sont bousculés, renversés. Les huissiers s'interposent, emmènent Bernis, que Géraud Richard a traité de gredin et souffleté. Mais Bernis s'échappe, escalade d'un bond la tribune d'où Jaurès, ayant ramassé ses papiers, s'apprêtait à descendre et par derrière le frappe d'un coup de poing. Brissant ! Brissant, qui depuis le début de l'ignoble bagarre agitait en vain sa sonnette, lève la séance. Mais les rixes continuent, les spectateurs des tribunes, après s'être fort divertis, s'injurient à leur tour et se courbent. Des socialistes, Pigeot, Coutant, Chauvière, debout devant le banc des ministres, les insultent. Des radicaux, Chapuis, Alphonse Imbert, me menacent de la parole et du geste. La troupe entre et fait évacuer la salle. « Cette séance qui s'est terminée dans la confusion au Palais Bourbon en 1898, comme ici au Vieux Colombier, n'a en réalité pas eu d'incidence sur la suite de l'affaire Dreyfus. D'ailleurs, à y regarder de près, si c'est possible dans l'entremêlement des corps, la bagarre s'est produite non pas entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, mais entre deux tribus habituées à s'affronter rituellement, les socialistes d'un côté et les royalistes de l'autre, l'un d'eux, le comte de Bernis, ayant joué l'élément provocateur, ce qui était sa spécialité. Néanmoins, l'empoignade est demeurée dans la mémoire. Et il suffit de peu, une fois la mèche rallumée, pour la voir rééditée. Au Vieux Colombier, les auditeurs de France Inter, qui d'habitude tiennent très exactement le rôle des représentants dans l'hémicycle, au premier signal, se sont rués vraiment vers la scène, à la surprise des comédiens français qui croyaient qu'elle était une sorte de tribune protégée. Et il n'a pas été facile de les arrêter. France Inter n'a pas à ses côtés les huissiers et la garde armée dont dispose le président de l'Assemblée. Comme quoi, une salle de théâtre en principe policée ou un hémicycle peuvent vite devenir un cirque. Les antiparlementaristes aimaient d'ailleurs parler du « circus Bourbon ». Reste dans les tempêtes la puissance de la scène ou de la tribune. Au sommet, le président, dont Jacques Chaban-Delmas disait qu'il se tenait tout en haut, comme la vigie d'un bateau dans son tonneau. Et plus bas, l'orateur. Jaurès, ce jour-là, n'avait pas réussi à dompter son auditoire, comme il savait généralement le faire. Le président lui avait signifié qu'il était allé trop loin dans la provocation, mais au moins, grâce à sa robustesse, à ses épaules puissantes, ses mains s'agrippant au pupitre, avait-il soutenu l'assaut avant que d'être frappé traîtreusement dans le dos. Cette restitution de la séance consacrée à J'accuse d'Émile Zola au Palais Bourbon en janvier 1898 a laissé quand même, il faut saluer les comédiens français, sains et saufs, Benjamin Laverne, Alain Langlais, Gilles David et Jérôme Pouly. La restitution du texte a été assurée par Isor Pisani-Ferry. La technique au Vieux Colombier, avec l'assistance de l'équipe du théâtre, Étienne Leroy, Benoît Gaspard, Hervé Dubreuil. C'était une réalisation de Stéphane Ronsin. En 2016 et une rediffusion aujourd'hui. Alors je précise, c'était bien le public de France Inter. Il faut dire qu'on avait mis dans le public quelques amis d'un haut lieu de Haute-Marne qui s'appelle Blumeray, qui sont habitués à semer le chahut. Le chahut, ça fait partie du paysage sonore de l'affaire, le chalut incontrôlable, aussi bien pour le président de séance que pour les enseignants, le tumulte, le cri, le déchaînement verbal. Et puis il y a une autre manière d'entendre l'affaire Dreyfus, la rumeur qui court, les murmures dans la grande muette, je veux dire l'armée. Alors socialistes et royalistes, c'était le paysage à l'Assemblée nationale. Demain, on parlera du contraste entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Notre invité sera Perrine Simon-Nahum.